Les 400 coups ensemble, on a connu le vol. Pas un rond dans les poches, aimé par tous les gars de la vie. Que Dieu m'enlève tous les faux frères qui sont de passage dans ma vie. Je mange, tu manges, et on roulait tout étrange. Ta soeur, c'est ma soeur, le premier qui la touche, on l'étrangle. Tu me parles plus, je deviens cinglé. Les 2 millions, c'est ce qu'on cible. Et pas besoin de proposer, tu payes, tu le fais de ton plein gré. Rien n'a changé depuis petit, à part ta mère qui est partie. Des vaisseaux que je l'ai promis. Aujourd'hui on a grandi, toujours les mêmes délires et conneries. Mes ennemis sont mes ennemis, c'est l'équipe en mal au le pire. T'inquiète mon rêve, je protège de tout cœur. Et même si t'es pas là, je prendrai soin de tes sœurs. T'inquiète mon rêve, je te protège de tout cœur. Et même si t'es pas là, je prendrai soin de tes sœurs.